Enseignement par le vénérable Sayadaw Unanujota Bivamsa, Centre de méditation d'Amarancy de Rivière, 7 juillet 2022. Aujourd'hui, nous allons écouter un enseignement portant sur Samadhi Sambhojanga, le facteur d'illumination de la concentration. Pasadi. La tranquillité se manifeste lorsque la méditation a progressé. Nous n'avons plus aucun effort à faire pour méditer, pour observer les différents objets. Il n'y a plus de sensations désagréables, plus de chaleur, plus de tension. Lorsque l'esprit pénètre l'objet de façon ininterrompue, moment après moment, lorsque l'esprit est donc établi sur l'objet, sur les différents objets, il est concentré. Il expérimente alors Samadhi. La caractéristique de Samadhi, c'est la non-distraction, la non-dispersion. L'esprit est capable de pénétrer l'objet. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de Samadhi. Tout d'abord, Pabandha Samadhi et ensuite Kanika Samadhi. Pabandha Samadhi, c'est lorsque l'esprit se limite à un seul objet d'observation. Il reste constamment sur cet objet, ne va pas ailleurs. Le méditant fixe son attention sur un seul objet. Il ne va nulle part ailleurs. C'est le type de concentration que l'on développe lorsqu'on recherche les absorptions mondaines. Les méditants qui veulent pratiquer les absorptions mondaines vont choisir ce type de concentration. Ils vont développer la concentration en se limitant à un seul objet. L'esprit est établi sur cet unique objet. Mais ceux qui pratiquent la méditation Satipatthana Vipassana ont un autre but. Ils veulent comprendre la nature des phénomènes. Ils vont d'abord comprendre la différence entre l'esprit et la matière. Ils vont ensuite comprendre la façon dont ces phénomènes physiques et mentaux sont reliés entre eux par un lien de causalité. Et ils vont également chercher à comprendre les caractéristiques de ces phénomènes, anicca, dukkha et anatta. La pratique de Satipatthana a donc pour but de développer progressivement la connaissance. Le méditant qui pratique donc Satipatthana s'efforce d'observer tous les phénomènes qui se manifestent constamment à l'intérieur de lui. Il le fait sans interruption. Et son but, c'est de comprendre leur nature. Tout ceci va progressivement l'amener à expérimenter la disparition de ces objets. Il atteint alors la cessation des phénomènes physiques et mentaux. Cette connaissance de la nature des phénomènes va se développer étape par étape. Le but, c'est d'arriver à la connaissance la plus parfaite. Si nous voulons comprendre la nature des phénomènes qui nous constituent, nous devrons obligatoirement observer ce qui se manifeste à chaque instant, ce qui existe vraiment à chaque instant. Avec Kanika Samadhi, la concentration momentanée, le méditant peut observer les apparitions successives des phénomènes à l'intérieur de lui. Cette concentration momentanée, Kanika Samadhi, va éliminer les empêchements, à commencer par Kamachanda Nivarana, l'empêchement du désir sensuel. Lorsque Kanika Samadhi aura atteint le stade où les empêchements auront été éliminés, elle aura la même puissance que le niveau de concentration fixe appelé Pabandha Samadhi, le type de concentration qu'on développe en pratiquant Samatha, un seul objet. Voyons tout ceci d'un point de vue très pratique. Le méditant est assis et observe attentivement les mouvements de l'abdomen. Il fait un effort pour observer de façon pénétrante. Il essaye de le faire de façon continue. Cette observation pénétrante des objets qui se manifestent à chaque instant va développer ainsi Kanika Samadhi, la concentration momentanée. Il poursuit son observation de façon pénétrante et continue. Il observe attentivement ce qui se manifeste au moment où son abdomen se soulève et s'abaisse. Il aura Samadhi en lui, le facteur de la concentration, mais il y aura d'autres facteurs également. On peut comparer le fonctionnement de Kanika Samadhi à des parents qui voudraient éduquer leurs enfants. Ils voudraient le faire correctement et ne les laissent pas jouer dans la rue avec des enfants qui seraient mal élevés. Ils surveillent leurs enfants de façon à ce qu'ils n'obtiennent pas de mauvaises habitudes au contact de ces enfants mal élevés. Ils vont alors leur demander de jouer à l'intérieur de la maison. Kanika Samadhi a un peu le même rôle. Ce facteur va surveiller les autres facteurs mentaux de façon à ce qu'ils ne s'éloignent pas de l'objet. Il maintient tous ces facteurs ensemble. C'est l'explication que donnent les textes de Samadhi. Lorsque l'esprit est contrôlé par Samadhi, la concentration momentanée, le méditant va devenir de plus en plus calme. L'esprit contrôlé par la concentration devient tranquille, apaisé, et les connaissances vont pouvoir tout doucement se développer. L'esprit et la matière sont vus selon leur véritable nature. La compréhension va alors pouvoir se manifester. La cause prochaine pour la compréhension, c'est Samadhi. La connaissance se développe étape par étape. Le méditant voit d'abord les phénomènes physiques et mentaux, il les distingue. Ensuite, il voit le lien qui les unit, le lien de causalité. Il voit ensuite que ces phénomènes sont anicca impermanent, dukkha insatisfaisant et anatta non-soi. Sa concentration continue à se développer et lorsqu'elle aura atteint son plein épanouissement, il pourra contrôler très facilement son esprit. Le yogi commence alors à comprendre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'il aura atteint ce stade, ce yogi ne fera plus d'actes incorrects. Il ne fera pas ce qui est inapproprié, tout simplement parce qu'il est devenu capable de contrôler son esprit et de réfléchir avant d'agir. On peut alors le comparer à ses parents, désireux de donner une bonne éducation à leurs enfants et qui les contrôlent. Le yogi doit donc s'entraîner, développer la concentration jusqu'à ce qu'elle ait atteint un bon niveau. La connaissance va alors se manifester. Les parents ont réussi à bien élever leurs enfants. Donc, si vous voulez réussir à donner à vos enfants une bonne éducation, vous devrez apprendre à contrôler votre esprit. Voyons maintenant les causes qui vont faire apparaître Samadhi Sambojanga. C'est le fait de se souvenir constamment qu'il faut développer la concentration. Ceci veut dire qu'un moment de concentration doit être la cause pour le moment de concentration qui va suivre. Il y a donc une succession de moments de concentration qui sont chaque fois la cause pour le suivant. C'est ainsi qu'on fera apparaître Samadhi Sambojanga. Le Bouddha nous dit qu'il n'y a donc qu'une seule cause pour faire apparaître Samadhi Sambojanga. Mais les commentaires en mentionnent 11. La première, c'est la propreté des bases internes et des bases externes. Nous en avons déjà parlé à propos de Dhammavicaya Sambojanga. La propreté interne consiste à se coiffer les cheveux, à se couper les ongles, à prendre des douches régulièrement, à éviter la constipation. La propreté externe s'obtient en faisant régulièrement ses lessives, en nettoyant sa chambre, l'endroit où l'on médite, l'endroit où l'on vit. Il faut maintenir tous ces endroits dans un état de propreté. La deuxième cause pour faire apparaître Samadhi Sambojanga, c'est d'équilibrer les facultés. Et tout spécialement Viriya et Samadhi, Saddha et Panya. Ces deux paires de facteurs doivent être maintenus en équilibre. Nous en avons également déjà parlé lors de l'investigation du Dhamma, Dhammavicaya Sambhojanga. La troisième cause pour l'apparition de Samadhi Sambhojanga concerne plutôt les gens qui développent la méditation samatha, la concentration continue. Ces méditants doivent devenir capables de manipuler correctement le signe de la concentration. S'ils se concentrent par exemple sur le katsina de la terre, ils doivent être capables de faire surgir ce signe, ce nimitta, de l'élargir, de l'agrandir. Ils doivent être capables de le modifier à volonté et ils doivent être capables de modifier les autres kasinas également. Ils doivent savoir comment utiliser ces signes de la concentration pour encore la développer. Mais tout ceci concerne plutôt les méditants samatha. La quatrième cause pour faire apparaître Samadhi Sambhojanga, c'est de stimuler l'esprit lorsqu'il en a besoin. Il se peut que parfois l'esprit du méditant soit découragé. Il ne sait plus quoi faire et il n'a plus envie de poursuivre sa pratique. Il faut alors qu'il puisse stimuler cet esprit découragé. Le méditant ne sait plus très bien quelle direction prendre. Il doit booster son esprit avec effort. Nous avons déjà parlé de ceci lors de la discussion sur Viriya Sambhojanga. Comment faut-il développer l'effort de façon à ce que l'esprit soit réencouragé? On peut par exemple réfléchir aux dangers de renaissance dans les mondes inférieurs. On peut également réfléchir au fait qu'il faut réintroduire piti, la joie, dans la pratique. Nous en avons parlé au moment où nous étudions le facteur d'éveil de piti, la joie. Quoi qu'il en soit, il faudra stimuler l'esprit en faisant appel à ces deux facteurs, piti, la joie, et viriya, l'énergie. Le professeur, lui aussi, devra encourager son élève s'il voit qu'il est en difficulté. Et s'il voit que son élève est au contraire trop excité, trop enthousiaste, il devra le calmer. Ce facteur, qui consiste donc à équilibrer la pratique, doit être appliqué dans les deux cas, et il concerne plutôt le professeur. La cinquième cause pour faire apparaître la concentration, c'est précisément de calmer le yogi lorsqu'il est trop excité, trop enthousiaste, sa pratique est bonne et il est très agité. Dans ce cas, il ne faut bien sûr pas l'encourager encore plus, il faut au contraire le calmer, ce qui est plutôt du ressort du professeur. Le professeur doit comprendre que son élève est en difficulté parce que trop agité et il doit savoir comment le calmer. La cause suivante concerne le professeur également. Son élève n'a pas expérimenté le Dhamma et il perd son enthousiasme. Il se sent très fatigué, épuisé. Le professeur doit alors le réjouir, réintroduire la joie en lui. L'élève pourra alors reprendre sa pratique correctement. Si le professeur y arrive et qu'il réintroduit la joie chez le yogi, il pourra reprendre sa pratique et retrouver un bon samadhi. La septième cause pour faire apparaître Samadhi Sambhojanga, c'est de calmer l'ardeur du yogi qui atteint de hauts niveaux dans sa méditation. Il note de façon automatique, il n'a plus besoin de fournir un gros effort et l'impatience apparaît en lui. Il a envie de progresser plus rapidement. Le professeur doit alors constater que son élève est devenu impatient. Il doit lui recommander de poursuivre sa pratique sans trop d'efforts, en équilibrant l'effort et la décontraction. L'élève qui est devenu impatient, qui veut réaliser rapidement le Dhamma, doit alors réduire son effort et travailler plus calmement. Car s'il fait trop d'efforts, si l'impatience le domine, son observation, elle sera dérangée par cette impatience. Le yogi doit poursuivre sa pratique gentiment, sans trop d'efforts. C'est comme si en voiture on voulait arriver rapidement au but, cela pourrait être dangereux. Ici, en méditation, c'est la même chose. Lorsqu'on est impatient, il faut réduire la vitesse. Si le méditant ne le fait pas, il n'atteindra peut-être pas son but, il aura peut-être fait un accident et n'arrivera pas dans les délais. La cause suivante, c'est d'éviter les personnes qui ne sont pas concentrées. Quelqu'un qui n'est pas concentré, c'est quelqu'un qui n'a pas atteint le niveau de Upacara Samadhi, la concentration de voisinage. Si nous vivons en compagnie de personnes qui n'ont pas atteint ce niveau de concentration, si nous rencontrons une personne de ce type, nous aurons tendance à lui parler et nous perdrons notre Samadhi. Pour revenir à l'exemple des parents, s'ils n'ont pas de concentration, leurs enfants n'en auront pas non plus. La neuvième cause pour l'apparition de Samadhi Sambhojanga, c'est de rechercher la compagnie des personnes concentrées. Nous devrions donc nous associer à des personnes qui disposent de Upacara Samadhi, la concentration de voisinage, ou Apana Samadhi, la concentration d'atteinte, ou encore avec des personnes qui ont développé la concentration momentanée, Kanika Samadhi. Un petit peu comme dans une famille, si les parents sont capables de contrôler leur esprit, les enfants vont en bénéficier et seront eux aussi stables mentalement. Les états d'esprit sont contagieux. Imaginons par exemple un groupe de personnes concentrées. Ils ont réussi à développer une bonne concentration, à contrôler leur esprit. Quelqu'un arrive et n'a pas ce niveau de concentration, elle est plus agitée. Cette personne va ressentir le calme ambiant et elle en sera affectée. Elle va elle-même devenir calme. La dixième cause pour introduire en soi Samadhi Sambhojanga, le facteur d'éveil de la concentration, c'est de réfléchir aux absorptions qu'on a réussi à obtenir précédemment, ou de repenser à la libération qu'on aurait éventuellement expérimentée. Imaginons un yogi qui aurait réussi à développer les absorptions dans le passé, au cours de séances précédentes. S'il réfléchit à cette expérience, qu'il se la remet en mémoire, il pourra recréer les conditions pour une bonne méditation lorsqu'il se trouvera en difficulté. Et la onzième cause pour faire apparaître Samadhi Sambhojanga, c'est d'incliner l'esprit vers Samadhi. Il faut constamment se souvenir que Samadhi, la concentration, doit être développée. Ceci veut dire qu'il faudra constamment se souvenir qu'il faut noter les différents objets qui se manifestent à chaque instant sans délai. Le fait de faire l'effort d'incliner ainsi l'esprit vers prise de conscience de l'apparition des différents objets va permettre de développer Samadhi, la concentration. Nous sommes ici en retraite et nous essayons d'observer tout ce qui se manifeste à chaque instant et de noter cette apparition des différents phénomènes, non seulement en posture assise, mais également pendant la marche et pendant les activités quotidiennes. Si nous inclinons ainsi l'esprit vers le fait de noter les différents objets qui se manifestent, de voir leur apparition, de les saisir au moment de leur apparition, Samadhi Sambhojanga va se développer. C'est donc en inclinant ainsi l'esprit vers le fait d'être attentif aux apparitions des phénomènes que nous allons pouvoir développer notre Samadhi. En guise de conclusion, Sayadaw vous souhaite à tous d'introduire en vous la concentration et de faire apparaître Samadhi Sambhojanga. Si votre concentration se développe, vous pourrez atteindre à terme Nibbana. C'est ce que Sayadaw vous souhaite à tous. Sadhu, sadhu, Sadhu. Samadhi Sambhojanga.